Ça va les zinzins? One, two, three. Ouais, c'est beau aujourd'hui, putain. C'est chier de rester enfermé. Sans déconner. On est pas mal aujourd'hui, on est pas mal. Hein. On est pas mal. Allez les zinzins. Un petit clin d'œil, j'ai mis mon beau t-shirt Vibration de l'époque. Hummer Vibration. Voilà. Et puis un petit clin d'œil à Cut Killer qui m'a offert la casquette quand il était venu au Gardels. Et puis on s'était rencontré plein de fois à la radio. Voilà, je voulais faire un petit clin d'œil à Cut Killer aujourd'hui. Et puis à Vibration, ma radio où j'ai quand même fait quelques milliers d'années. Voilà. Ça va, Christelle, salut Seb, salut Alexandra, tout le monde va bien? Petit clin d'œil à Cut Killer aujourd'hui. Alex, allez, ça va partir dans quelques 4 minutes. Hein. Connectez-vous tranquille, venez vous installer à bord du Hummer Vibration. Ouais, beau t-shirt Vibration, vous avez vu, je l'ai retrouvé. Il me va encore, hein, putain, je crois que j'avais un peu grossi, mais non, ça va. Ça va, il me va toujours. Hein. Il me va toujours. Hein. Et puis cette casquette que Cut m'avait offert au Gardels et puis à la radio quand il était venu. Voilà, big up à Cut Killer. Salut. Salut Fred. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Il va faire beau aujourd'hui, hein. Restez chez vous, hein. Malheureusement, c'est comme ça. Eh ouais, hein. Putain, je crois qu'on va reprendre 15 jours, hein, apparemment. Salut Elias, ça va? Oh. Ah, je suis levé depuis très longtemps. Salut Stéphanie Bier. Ça va Stéphanie? Voilà, allez installez-vous à bord du Hummer en Vibration. Salut Alex. Coucou. Putain, je vois rien, moi. Bonjour, Dieu. Ah ouais, je suis Dieu, j'ai marqué. Non, j'avais un t-shirt, il y a marqué je suis Dieu, mais je le retrouve plus. C'est rigolo, ça. J'ai pensé à ça hier, parce que j'ai retrouvé une photo avec et j'arrive pas à remettre la main sur le t-shirt. Je suis Dieu. Ah. Ça va être l'appel du matin, ça. C'est l'appel du général de Gaulle. C'est l'appel du matin. C'est l'appel du 9 avril. C'est le 9 avril. Ah ouais. Comment tu vas bien, mon ami? Bah écoute, il va avec un beau temps. Ah oh putain, il fait beau aujourd'hui. Ça fait rager, hein. Ah, ça fait rager. Ah, hein. Ouais. Ah là, la question serait bien dehors. Ah, on serait bien à barbecue là. Bah, ceux qui ont des jardins, on est bien à la maison. Ceux qui ont des jardins. On est bien avec. Ah bah ouais, vas-y, Didier, je te laisse parler. Ouais, on se retrouve. On est bien avec Francky le matin. Ouais. Hein, à la maison. Ceux qui ont des barbecues, c'est bien ça, ceux qui ont des jardins. Ouais, tout bon à fait. Bon, ceux qui ont des apparts, hein, par le balcon, comme moi, par exemple. Ouais, bah, comme moi, ouais, l'après-midi, moi, un petit peu de lecture, hein, sur le balcon. Avec le balcon, hein, j'ai bronzé, hein. Ouais, j'ai bronzé de la gueule, hein. Regardez, hein. Ouais. Allez, faudra que tu nous fasses voir ça, tu fais de l'intégrale, non? Ouais, je suis à poil sur le balcon. Hein. Ça va, Didier? Ouais, ça va. Dis-moi, j'avais une question à te poser. Dis-moi tout. Et comment tu fais pendant le confinement d'avoir autant de monde autour de toi? En photo. Ah ouais, l'histoire, elle est rigolote. Non, parce que j'ai vu une publication, comme j'en mets beaucoup. J'étais entouré de je sais plus qui. Et puis, il y a une personne qui a répondu « Et le confinement, 3 points d'exclamation. » Oh là là. Ouais, j'ai vu ça. Ça m'a saoulé. Parce que, ouais. Salut Alain Bonhomme qui est connecté. En plus, ce qui est bien, c'est que le confinement, ça t'a rajeuni. Ouais, en plus, c'est des vieilles photos que je mets, tu vois, on veut dire que c'est, elles ont 5, 6 ans, ou 4 ans, ou 3 ans. Ouais, sûr, par quoi, contre, on te dit que t'as pas pris de poids, j'en suis pas sûr, moi. Ah, si, un petit peu, quand même. Non, mais ce t-shirt Vibration, par exemple, que j'ai en ce moment, là, ce t-shirt-là, j'en ai 5, 6 encore, je les avais gardés, c'est les t-shirts du Hummer Vibration à l'époque. Ouais. Pour ceux qu'on connaît. Ah ouais, tant de Hummer, l'engin qui polluait pas, là. C'est ça, voilà. Pour ceux qui ont connu le Hummer Vibration, bah voilà, c'était moi. Bah, un petit peu, oui. Pendant 3 ans, j'avais le Hummer Vibration. Et puis, bah, on avait des t-shirts, logotés Hummer Studio Mobile. Et puis, je les ai retrouvés. Ouais. J'en ai retrouvé 5-6, parce qu'on en avait plein. On en avait un par jour. Ouais, on changeait quand même. Bah oui, quand même. Ouais. Et, bah, là, j'ai dit, je vais le remettre. Et, non, ça va. Bon, ça va. Il me sert un peu, mais on est pas mal. Ouais, non, bah, c'est bien. Et puis, la casquette de Cut Killer, là, qui m'a offert à la radio, et puis en club, quand il était mieux mixé avec nous, que je salue. Ouais. Cut Killer. Tous les souvenirs. Voilà, des bons souvenirs avec Cut Killer. En, En ce moment, c'est ce qui se passe un petit peu dans la tête des gens. Hein. J'ai discuté pas mal avec de personnes. Ouais. Les gens mettent des souvenirs. Ils se remémorent. Hein. Bah, ils se repassent leur film de leur vie un petit peu dans la tête. Là. Ouais. C'est assez space. Hein. Moi, je pense que quand on va sortir du confinement, on va être bien dans nos têtes. Ouais. On aura pétac. Ouais. Salut Christelle, salut Fred, salut Alex, salut Aurélie. Je les salue en même temps, excuse-moi Didier. Non, mais vas-y, voilà. Fais ton job. Et puis on va démarrer dans une minute. Hein. Ouais, pas de souci. Voilà mon ami. Bon par contre, vous pouvez m'appeler le numéro, donc je l'ai bien mis en vue là, c'est bon, là je l'ai scotché sur l'enceinte. Il est là le numéro devant là, celui m'appeler pendant l'émission, vous m'appelez, je vous prends direct. 07 87 07 82 01. Ouais, c'est ça, le numéro est bien affiché. Vous m'appelez, hein, je réponds direct et je vous mets à l'antenne direct hein, pendant la musique et tout, moi, hein, je suis un fou. Ah ouais, n'hésitez pas, faites fonctionner le téléphone. Hein. Et là, je vais partir, je vais mixer, là. On va démarrer avec un petit remix de Madonna et puis... ouais, j'ai un petit remix qu'on avait les Whispers, voilà, and the beat goes on. Et puis après, remixé avec Holiday Rap, hein, puis on aura... Okay. Bon, vous allez voir des petites... Donc, hier, t'as fait faux bon. Ouais, j'avais un rendez-vous comptable. Voilà, enfin, rendez-vous. Alors, est-ce que le comptable, on traite par vidéoconférence ou par mail. Et puis après, on a des trucs qu'on est obligé d'emmener, quoi. Donc, voilà, je suis passé. Ouais, voilà. Non, et puis il est vrai que les bons comptes font les bons amis. Ouais, c'est ça. Hein, allez, tout le monde est prêt de l'autre côté de là. Okay. Merci, Didier. À tout à l'heure. Bah, rappelle-moi pendant l'émission, y'a pas de problème, ok? Ouais, si j'ai quelque chose à dire. Bah, ce que tu veux, t'es pas grave. Allez, une petite dédicace, tiens. Allez, une petite dédicace à tous les Zinzin Family. Voilà, salut la Zinzin Family, ça va être parti en mix. Salut Charlotte, salut. Allez, à bientôt, salut Francky, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure, ça va être parti pour l'heure de mix, les amis. Vous pouvez m'appeler ici en direct, c'est parti. Avec le remix de Madonna, Holiday, et des Whispers, and the beat goes on, et Holiday Rap juste derrière, c'est à la Cut Killer, on va le faire. Bienvenue à vous les Zinzins, et faites du bruit de l'autre côté de la radio. Ouvrez les fenêtres là. C'est parti jusqu'à midi. Allez les Zinzins, vous pouvez m'appeler ici en direct, je vous prends l'antenne. This time I can't. Sur le numéro qui est là et vous passez en direct, hein, je vous passe à l'antenne. Il y a un numéro ici, vous m'appelez, vous hésitez pas, la famille. Je mixe live pour 4. Ça va, ils sont chauds? C'est parti, la famille! Salut les Zaza, salut Fred! Salut Laurent, salut Antonio! Y'a un numéro pour m'appeler, là! My name is Mike and G. I used to honey day with me. I see on the street was a party bigger than Hollywood. I grew up in this world, started in the neighborhood. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Put your arms in the air. Salut Laurent Billard. We're gonna ring rang a dong for a holiday. On s'en fait quand tu veux. C'est un mix en direct, écoute hein. Hey, check out the new style we just played. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll spend. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll spend. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam. Allez, venez faire la fête avec nous jusqu'à midi. Salut la famille des Zinzins. Zinzin Family là. Salut François, salut Nina. Salut Virginia. Salut Virginie. Salut Estelle. Ça va les zinzins? Salut José. Ah, je voulais remercier Seb du Nova qui m'a mis dans la playlist des DJ. Les plus grands DJ. Merci Seb le Nova. Salut mon Sosé. Ça va les bandillas? Radio Gagé. Denis Leguet. Ah, Denis d'Espoir 21, faites du bruit pour Denis. Comment tu vas bien, Denis? Oh oui, très bien, ça va, tranquille. Ah, ça me fait... Ouais, ça me fait plaisir de t'avoir au téléphone. J'aimerais des cœurs pour Denis d'Espoir 21. Faites des cœurs pour Denis, faites des cœurs. Ça va? Ça va. T'es... Ouais, t'es bien à la maison, Denis, là, ça va? Oh oui, ça va, oui. Bon, tout se passe bien? Tout se passe bien? Je vais avec... Tu vas quoi? Oui, très bien, oui. Ok. Très bien, oui. Merci mon Denis. Je te fais, ouais, je te fais des, ça. Je fais des gros bisous mon Denis. Oui, ça va, oui. Et je vais jouer avec Pierre au Monopoly. Ah, tu joues au Monopoly? Oh, c'est mignon. Merci. Oui. Et, ouais. Et après tout ça, je passerai vous voir, vous faire un gros bisou, d'accord? D'accord, Francky, oui. Bisous mon Denis. Oui. Bisous, au revoir. Oui. Hier, c'est de Ah ouais? Antoine. Avec Antoine? T'as appelé Antoine? D'accord, c'est bien. Bisous. Oui. Je t'embrasse, mon chéri. Oui. Bisous, bisous. Oui. Bisous, Francky. Bisous, au revoir. Oh, oui, au revoir. Au revoir. Eh, c'est mignon, Espoir 21 qui m'appelle. Salut, Espoir 21, et bon anniversaire encore à Antoine, mon ami. Allez, les amis, venez faire du bruit avec nous. On y va les vieux là. Allez c'est parti. Espoir 21 nous regarde, faites du bruit pour Espoir 21. Fake to Grey. Devenir gris. Wouhou. C'est bon ça, hein, à l'époque. Espoir 21, faites du bruit pour eux. Salut Jarba qui vient d'arriver. Salut Sophie. Il y a un numéro pour me joindre comme eux, vous m'appelez ici en direct. Un homme dans une gare isolée. Une valise à ses côtés. Salut Corinne. Salut Corinne. Salut Alex. Salut Jarba. Espoir 21, salut Sandra. De la peur lorsqu'il meurt. Cat Killer. Salut Cat Killer. Caché. Sans la pluie comme un été anglais, sans les notes d'une chanson lointaine. On y va les enfants. Don't you want me? You know I can't believe it. I hear that you won't see me. Don't you want me? You know I don't believe you when you say that you need me. Don't you want to find? If you change your mind, you better change it. Regardez sur mon mur, j'ai mis une photo du Cap d'Agde quand j'étais au Pacha, vous allez voir, c'est énorme. Salut Christelle, faites du bruit les zinzins. Il y a un numéro pour me joindre, il est là. Allez, plein de souvenirs pour démarrer. Jusqu'à midi, la famille. C'était bon, ça, à l'époque, hein. Human League. You know I can't believe it, but I hear that you won't see me. Don't you want me? You know I don't believe you when you say that you don't need me. Special in time, you think you changed your mind? You better change it back or we will both be sorry. Don't you want me, baby? Ça va, Jarba la douce. ça va très bien. Il fait 26 degrés aujourd'hui. C'est bleu. Oh la vache, tu vas nous donner envie. Merci à toi, Francky, pour nous donner tant de bonne humeur et de joie de vivre. Et ouais. Le soleil de tous les jours. Eh ben, le soleil, il est là avec toi aussi aujourd'hui. Allez, gros bisous à tous, c'est la balle. Bisous. On va laver la crèche de virus. Gros bisous, merci. Ouais, Francky. Bisous. À bientôt, merci. Ouais. Bisous Jarba en direct. Eh, ça fait du bien de vous retrouver. À tous les anciens là, welcome. Salut Carole, salut Jessica. Je vous rappelle les souvenirs à l'époque. Là le mec il arrivait au synthé, il dit tom. Salut les zinzins. T'avais quel âge? 192 hein. José, t'avais quel âge? Flash in the night. D'Orléans, je vais souvent au Cap d'Agde. Voilà, Alex. Allez, venez faire du bruit avec nous. Ça fait plaisir de vous voir, les zinzins. Faites du bruit de l'autre côté de la radio. Oh putain, y'en a qui vont prendre un sacré coup de vieux là. Allez, les anciens là. Salut Pacalou, salut Jean-Marie, Alex, ça va? Salut Bas-sur-Loire. Yeah. emballer, c'est ce qu'il dit Laurent. Emballe, Laurent, emballe. Est-ce qu'il y a des célibataires? Il y a des mecs célibataires ou des filles? Allez, fake de brick. Salut les Zinzins, salut Alex, salut Fred, Alexandra qui est là aussi, bonjour. Bonjour, bonjour les anciens. Freddy Mercury qui arrive. Salut Joker. Salut Cut. Ouais, je suis en maillot de bain, il est là, regarde, attends, on voit mes fesses ou pas là, c'est bon. J'ai un string en peau de léopard comme dans les bronzés, Joker. Je suis en maillot de bain et en basket, j'enlève mes baskets comme à la plage. Viens nous rejoindre dans le live, jusqu'à midi. Énorme, Freddy Mercury, la famille, les Zinzins. Allez, on sing Zinzins. Oh, Freddy Mercury. Come on, baby. Ah oui, je fais gaffe, sinon je vais être censuré. Hein. Ah ouais, salut Candy. Salut Alexandre, salut Joker. Ouais, je suis en maillot de bain. Hein. Après sinon on va être censuré donc je vais pas montrer, donc voilà, un petit bout là comme ça là, voilà. En peau de léopard le slip. Salut la famille. Allez tous les anciens connectés là. Salut Corny, ça va? Ça claque! Viens voir Virginie. Salut Céline. J'ai mis la casquette à queue de killer pour la famille. Et mon t-shirt vibration à l'époque. Yeah, on a tellement de souvenirs en ce moment. Salut Christelle. Venez faire du bruit, ouvrez les fenêtres. Salut Jarba, salut l'île de la Réunion. Tout le monde va bien les azars. Dans la famille des zinzins, je voudrais le père. Il y a un numéro pour m'appeler, hein. C'est moi Dieu, je suis Dieu. Ouais, je fais des massages gratuits. Salut le Sud. The bomb load was released over its target at 09:15 hours at an altitude of 31,000 feet. Little boy exploded 800 feet above the target with the equivalent force of 20,000 tons of TNT. Ça va les zinzins? C'est l'heure du sport. Je suis en slip en peau de léopard. Sérieux, regarde, voilà. Je suis en slibard. Allez, tout le monde en slip de l'autre côté de la radio. Mettez-vous tous en slip. On vous voit pas, on s'en fout. Tout le monde en slip, allez. Je veux voir tout le monde en slip. En slip, en slip. Tout le monde en slibard. Moi j'y suis. Pot de léopard. Allez les anciens, on y va. La bande originale de Fletch Dance. Ça va la famille des insectes? parce qu'après Facebook il bloque quand c'est dénudé. Ah ouais, il bloque. Après ils vont me bloquer à vie sinon. Désolé Alex Aurélie. Hein. Ah ouais, j'aurais pu mixer à poil, mais après on est bloqué sur Facebook, ça fait nu. Ouais. Les robots. Mais vous pouvez vous mettre à poil, hein. C'est pas vous qui filmez. Allez, tout le monde en string. Oh putain, le souvenir. Oh putain, le clip. Regardez sur YouTube le clip, il est énorme. La dégaine. Jermaine Jackson. Allez, tout le monde en slip. Sérieux, tout le monde en slip de côté de l'écran. Personne vous voit. En slibard. T'as vu Younes? J'ai mis la casquette à cut, hein. Younes, elle a la même. Et la famille Younes, mon poteau. Salut Sophie. Allez Laurent Billard, à poil Laurent Billard. Allez, les claques sur les fesses comme ça, on y va. C'est parti. Plus de humeur, il est mort. Eh, hey, elle est où ta casquette Cut Killer, Younes? Fais péter la casquette Cut Killer. En bon souvenir de cette soirée de ouf. Il y a la musique physique qui arrive à l'époque, les Sofcells. Rappelez-vous, Zigzag. Oh la vache, il a vendu sa casquette, tu laisses. Ah, j'ai honte pour toi. À cette époque on allait au zigzag. À cette époque on allait au zigzag. J'ai dit en slibard. Moi j'y suis, voilà. Je peux pas montrer tout mais voilà, je suis en slibard. Je suis en slip. Et non, c'est pas une légende. À l'époque au boombox je mixais avec. Voilà, c'est pas une légende Laurent. Je mixais en slip à l'époque. Comme Gaël à l'époque du Rhino, mon vieux Gaël. Allez la famille. Run away, I've got to get away. You don't really want any more from me to make things right. You need someone to hold tight. And you think of... Ouais, ça marche aussi les maillots de bain, hein. En slibard ou maillot de bain, ça marche, hein. Faites des photos. Le pervers. Ah, il y a France 3, salut France 3, salut Christelle. Voilà Christelle, le beau t-shirt vibration que j'ai mis. Salut ma Christelle. Un petit clin d'œil. Salut France 3, la journaliste Christelle qui est là, Chapiotin. Et on se prend la main. Et on se prend la main. On y va? Touch me, baby, tainted love. Tainted love. Et on se prend la main. Et on se prend la main. Allez! Tout le monde! Salut France 3! Allez, faites du bruit! Dans une boîte d'enfer. Il est belle, il est beau, les crier. Ah ouais, va chercher Christelle, mets un t-shirt de vibration, vas-y. Et tu me l'envoies, hein. Et on fera une copie-collée tous les deux. Bon, les vrais là. Eh, trouve-moi un t-shirt, Christelle. Un t-shirt de vibration et on fait une copie-coller tous les deux. Je la mets tous les deux sur Facebook. France 3, faites du bruit pour France 3. Une spéciale Indochine là. Allez Didier. Hey. Et on se prend la main. J'ai dit en slip. Faites des cœurs pour France 3, je veux des cœurs pour France 3. Salut Samy. Ouais, j'ai mon attestation. Salut Fred. Allez tout le monde. À l'époque du zig, on y va, à l'époque du zigzag. J'ai mis mon t-shirt souvenir vibration, il y a France 3 qui est là. Salut Christelle Chapiotin, la journaliste de France 3. L'époque du zigzag. Adam. Allez, on slip jusqu'à midi. Salut Angélique, salut Angie, salut Marie-France. Tout le monde en slip. Moi je suis en slibard. Allez jusqu'à midi. Salut Marie-France, ça va ma chérie? Allez les zinzins! Salut Didier! Salut Alex! T'as trouvé ton t-shirt, Christelle? Ah, y'a Vanessa! Bonjour Vanessa, de qui êtes? Ancienne journaliste à Vibra? Allez! On y va? Salut Corinne! J'ai dit tout le monde en slip! Bon, pour les vieilles, en gaine! Allez, comme moi là, moi je suis en slibard! Hein. Tout le monde en slibard, on y va sur Koongs! Il y a un numéro si vous voulez passer l'antenne là, vous m'appelez direct. These presents don't really come for free. Your paycheck don't mean that much to me. Just take my hand and hold me tight. Salut Liz, Liz Van Dug, bonjour Liz. Oh, il y a longtemps qu'on s'est pas vu. Ça me fait plaisir de te voir. Ça va les zinzins? T'as vu Lise, hein, je suis toujours aussi fou. Hein. Eh ouais, allez! Wouhou! It's everywhere I look, from last week's to right here. Je vais mixer de tout là jusqu'à midi là. Salut Ahmed! There's nothing more deadly than c'est normal. Et après je vais être interdit d'antenne. Je vois du nu sur Facebook, après il bloque. Grâce à Christelle. Ah merci Christelle Chapiotin. Et je suis aussi bah, Lise, je te suis. Ah, de French Music arrive Nouga York. Le Nougaro à l'époque, énorme remix. Salut Séverine. Ça va la famille des Zinzins? The shallower it grows, the fainter it goes. A bit out now, heading deep down, we're sliding without hopes. Salut Samy! Allez Fred! Heading deep down. Je vous prépare du français derrière là, pour finir jusqu'à midi. Salut Liz Van Dug! Qui allait au Bolero, qui allait au Georges à l'époque. Rappelle-toi le remix de Claude, Claude Nouga York. Nougaro! Toi qui sortais en club à l'époque. Allez les Zinzins! Un petit clin d'œil à Claude. C'est gentil Lise, merci. J'irai voir ça. Il est là le numéro, Angéline, tu vois pas? Là, il y a un numéro, il est là le numéro. Voilà, t'appelles sur ce numéro là, sur la pancarte blanche. On le voit bien le numéro quand même. Allez les vrais, les souvenirs, l'époque du Zig. Bah alors Gilbert Montagnier, préparez-vous les nostalgiques français là, il y a du lourd qui arrive, gamine. Salut Rodolphe. Tout le monde en slip, j'ai dit. We'll be right back. York. Voilà. On se calait au zig à l'époque. Je te rappelle de ça, gamine. Ah, moi je dansais sur la piste, j'avais 15 ans. Hein. Au zigzag, à l'époque, à Olivet, on dansait sur gamine. Jusqu'à midi, les zinzins. J'adore. Je me rappelle quand j'étais au zigzag à l'époque sur la piste. Salut John Miloud. Ah, il y avait le petit déj en face après. Hein. Vous vous rappelez, il y avait aussi les 24 heures du zig. On dansait pendant 24 heures. Oh, le truc de ouf. Ah, la bonne époque, putain. La vie est prise dans les bras. Ne cherche pas à... Allez, on prend un appel. Qui va lâcher le prix? Bonjour. Salut Francky, c'est Angelo. Salut Angelo, comment tu vas bien Angelo? Super, super ce soir. Avec le soleil, il y a tout. Il y a tout là, on est bien hein, franchement. Ah ouais, on est bien dehors là. Ouais, t'as une maison toi Angelo, t'as une maison? Ouais. Ouais, j'ai une maison, ouais, un petit jardin, ouais, Olivier, la... ouais, c'est tranquille. Ah, y'en a qui ont de la chance, moi j'ai un petit balcon, je vais aller me foutre les gambettes au soleil. Ah mince. Ouais, c'est pas. Je comprends pourquoi tu fais ça alors, ouais. C'est cool la DJ. C'est cool, ouais. Bon, tu bosses, tu fais quoi toi Angelo, ou t'es confiné carrément à fond toi? Ah moi je suis conseiller à la maison, hein. j'ai plus de boulot, j'ai plus rien. Ah, je suis informaticien, mince. C'est fini là. D'accord. Faut que je trouve un autre boulot, justement je posais entre DJ ou. Ouais bah vas-y. Ouais, DJ c'est pas mal. Bah DJ ouais, mais en ce moment c'est la merde DJ, hein. Je peux le dire tout de suite. Bah ouais, non. La mais preuve. Hein. Tu fais l'animation dans le quartier, moi c'est sûr. Ouais bah voilà, bah mets-toi au boulot mon gars. En tout cas t'as mais moi j'ai déjà. Moi je suis informaticien, j'ai l'antivirus au virus quoi, j'ai la chanson depuis 3 ans, je l'ai écrite, tout, il n'y a plus qu'un. Hein. Ah d'accord, ok, et ben vas-y, hein. Ah ouais. Sur YouTube, mais bon. Et ben tu me l'envoies en privé, puis on la passera demain, d'accord, hein? Ouais, pas de soucis, nickel. Okay. Ah je t'embrasse. Allez, bisous à tous. Salut les familles. Bonne journée à vous. Ouais, salut les Zaza. Ciao. Eh hey, gamine, merci à Jello. Tous les nostalgiques qui sont là, merci Christelle Chapiotin. On va vous mettre une putain de photo de l'époque de Vibration avec Christelle. Toutes les filles qui sont malheureuses en ce moment. Bah ouais, il est parti mais il va revenir. Robbie la famille, les zinzins on est là. Salut Marseille, salut la Guadeloupe. Claude François le remix pour les anciens là. Salut Laetitia. Jusqu'à midi 10, allez je voulais faire un peu de rab. Même si tu revenais. Ah, Christelle qui m'a envoyé un beau t-shirt Vibration que je vais mettre sur le réseau Facebook dans 10 minutes, voilà. Merci Christelle Chapiotte. Journaliste à France 3, Christelle Chapiotin. Très loin de la ville, une route sauvage, sous un ciel tranquille, et cette grande entrée. Au bout du chemin, je pousse la grille, et soudain, une grande maison, au bout d'une allée. C'est bon ça, hein? Salut Marseille! Et puis, appelez-moi à Marseille! Une petite pancarte, où l'on met. Allez, on se quittera avec Prince! Salut Stéphane. Jusqu'à midi tous les jours, 11h midi hein. Et je suis en slip aujourd'hui. Et là-haut au premier, ce volet qui bat, le ne ferme toujours pas. Ce volet grinçant caché notre amour. Tu m'avais promis, mais un jour. Christelle, j'ai la parka à vibration aussi. Je vais pas la mettre, c'est chaud là. Attendu. Merci Alex, ça me fait plaisir. Matin, mais tu n'es pas venu. Les mois ont passé, les mains vraies. Bah, je suis en slip, hein. Je t'attends encore, il faudra pour t'emmener. Si tu revenais, je vois rien, que rien n'y ferait. Notre amour, et moi, jamais. On va envoyer des photos de vous là sur ma page, allez-y que je voie vos têtes un peu là. Dédicace à la Haute-Marne, c'est ça Haute-Maman Marne. Ah Haute-Marne, merci. Ok d'accord. Ok Alex, salut la Haute-Marne. Allez, on va se quitter avec Prince. Et bien voilà, vous allez manger. Merci à France 3 qui est là quasiment tous les jours. Christelle Chapotin, Chapiotin, pardon Christelle. Journaliste à France 3, vous allez voir. Et regardez le régional, des fois il y a marqué Christelle Chapotin. Eh ouais. Allez là, allez là, allez là. Là je la vois. Donc là, merci de votre bonne humeur les amis. Ça va bientôt faire 3 semaines que je mixe tous les jours pour vous et ça me fait vraiment plaisir. Je suis en slip, hein. Je vais mettre au balcon après. Allez, la famille des Zaza. Bon, on se quitte sur Prince. Merci Francky, tu es génial. Bah, toi aussi, Sabi, on envoie des messages. Voilà, on envoie des photos aussi. Allez, la famille, on se quitte avec Prince. Yes. Sexy. Et on va aller manger après. Je vous prends juste derrière pour un petit message. Oh putain, c'était bon ça. L'époque du Zig. Ah que c'était bon ça. Merci, appelez-moi Dieu maintenant. Salut Alex, salut Didier. Et pour la fin, si vous voulez un dernier appel, puis on y va. Je vous montre le quand même que je suis en slip après. Hein. Bougez pas, hein. vite fait. Hein. Sinon on va être viré de Facebook. C'est chiant hein. He gave her all the love anyone can. She was promised to another man. He tried so hard not to go insane. Birds to fly, looks like rain. I love you baby, I love you so much. Maybe we can. Ouais, vous étiez du côté de la salle. Sexy à la fin. Stéphanie, samedi la météo et puis des insolites hein, du bout. Stéphanie. Hein. Stéphanie, samedi une émission de radio samedi. Oh, que c'était bon ça. Precious baby, love is so rare. You tend to break up if you say that you can't wear. He had to run away, his pride was too strong. It started raining, baby, the birds were gone. Oh, oh, oh. Love you, baby, I love you so much. Maybe, maybe we can stay in touch. We had another world, space and joy. He's a threat. Oh, Bon, merci les enfants. Vous étiez de l'autre côté de la salle, vous dansiez si fort. Je sentais votre parfum. Bon, vous voyez, j'étais bien en slibard. Hein. Voilà, je suis bien en slibard. Hein. Voilà, comme ça, je vois vite fait. Voilà. Rien que je suis dans ce libard. Bon, merci à vous en tous les cas de votre bonne humeur. Et puis bah, je vais vous retrouver demain matin à 11h. Merci d'être fidèle. Merci Stéphanie. Stéphanie, on t'attend samedi. Hein, la météo des insolites. Il y aura normalement Fabien Dumas aussi. Et puis merci à Fatih qui est là aussi. Merci à vous de me suivre. Voilà, donc j'étais. Ouais, regardez un petit slibard. Voilà, voilà. C'était pour même vous dire que j'étais bien en slip. J'ai mis une dédicace sur ta page Facebook, Franck. Merci Alex. En tout cas, merci à vous. Bon appétit, restez confinés et je vous donne le rendez-vous. Donc c'est tous les matins, sauf le dimanche, parce que le dimanche j'adore, comme tout le temps d'ailleurs, mais non. Dimanche, ouais, je pense à autre chose. Ça me fait du bien de m'extérioriser avec vous et de penser à autre chose. Salut Marie Pinto. Et en tout cas, merci parce que ça fait 3 semaines que je mixe tous les jours. Et franchement, ça me fait du baume au cœur. Puis vous aussi, ça vous rend heureux. Il y a eu plus de, en 3 semaines, je sais plus, 600 000 vues en tout sur toutes les vidéos, c'est énorme. En tout cas, merci beaucoup pour vous. Voilà. Je vous aime, bon appétit. Et puis rendez-vous demain. Et puis n'hésitez pas à m'appeler, le numéro, bah vous l'avez, 07 87 07 82 01. Je vais noter le tout de suite. Ouais, ouais, avant 07 87 07 82 01. C'est le numéro du standard. Et c'est moi le standardiste. Salut la famille. I love you. Ich liebe dich. Te quiero mi amor. Mit Lézor. Le slip. Hey, le slibard. Salut les enfants.